D'après nos renseignements, on devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, aujourd'hui avec Natacha. Natacha, ça va la pêche? Oui, complètement. Complètement la pêche? Oui, tout à fait. Et nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? Eh bien oui, très cher. Et aujourd'hui, ça va avec Adrien Cahuzac. Bonsoir, mon cher, bonsoir. Et il s'avère que nous allons faire un podcast, un playtest sur un jeu qui s'appelle L'Agence. The Agency, c'est pour vendre aux Américains. Et nous allons faire tout le long avec cet accent impitoyable. Alors, c'est un projet, l'agence. On ne sait pas encore d'ailleurs si ça va vraiment s'appeler comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un projet, c'est le nom projet. On verra le nom final. Ok. Alors. Faut que je te présente ça, c'est ça? 10 minutes. Très bien. En 10 minutes très précises. Très bien, top chrono. Donc l'agence, c'est un jeu de rôle à narration partagée où l'objectif des joueurs va être de vivre une aventure d'espion type Mission Impossible. Tu viens déjà de lui faire mal, t'as dit narration partagée. Ouais, je sais, mais bon, ça va bien se passer, tu verras. je lui donnerai des coups de pied quand il s'endormira. L'objectif du jeu, c'est de faire vivre donc des aventures d'espion type Mission Impossible où le découpage en deux parties... planification de la mission puis exécution de la mission a été le thème central. En gros, c'est vraiment ce que je voulais faire ressentir. C'était, on va d'abord être dans un lieu, on va préparer le plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a des caméras de sécurité à contourner? Est-ce qu'il y a des clés à voler pour pénétrer dans le coffre? Est-ce que voilà, etc., etc. Alors là. Et ensuite, on va sur le terrain et on essaye de suivre le plan. Le plus on le suit, le mieux ça se passe. Et dès qu'on dévie, ça commence à partir en cacahuète et il faut se rapprocher du... Toi aussi, tu aimes les flancs qui se démoulent sans accroc. C'est ça, les flancs qui se démoulent sans accroc, tout à fait. Donc en fait, t'as toute une partie planification et après, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Alors, parfois, ça se passe comme ça, c'était prévu, mais en général, il y a toujours une ou deux anicroches. Voilà, d'accord. Donc, d'un point de vue de jeu, la première partie de la phase de planification, c'est aussi la phase en fait où on va créer le contenu de l'histoire. C'est-à-dire que chaque joueur va être dans une, enfin le personnage de chaque joueur est présent dans une salle de briefing, et puis on va prévoir la mission. Donc ça va être, par exemple, si la mission c'est de voler des documents dans une prison ou dans une banque, mettons, peu importe, dans une banque. Chaque joueur va à tour de rôle dire je me suis renseigné sur la banque et puis j'ai trouvé tel problème auquel on peut faire face. Le suivant va dire ah oui, puis moi je suis au courant grâce à tel contact que il y a ça. Et donc c'est par notre jeu ainsi qu'on va introduire les problèmes auxquels on fera face plus tard. D'accord. Donc plus on introduit des problèmes relous, plus les autres nous détestent en fait. Non, parce qu'en fait le nombre de problèmes à introduire va fixer la durée de la partie. Ouais, donc en gros on va décider un nombre de problèmes au début. Voilà. On va écrire ce nombre de problèmes et puis après on va partir. Donc là, une fois qu'on a tous les problèmes, on va les lier entre eux en disant, bah par exemple, si on veut rentrer dans le coffre, il faut d'abord avoir passé les gardes. D'accord. Si on veut passer les gardes, il faut d'abord avoir franchi l'enceinte, par exemple. Est-ce que ça peut devenir extrêmement loufoque ou est-ce qu'il y a des garde-fous pour ça? Alors non, ça peut devenir assez rigolo. C'est un thème très film d'espion, donc en général. C'est plutôt ça du loufoque d'action, donc ça va être des scènes abracadabrantesques ou comme y a-t-il un flic pour sauver ça peut partir dans ces eaux-là. C'est pas, j'ai pas de garde-fou. T'as pas juste Mission Impossible en tête, quoi? Non, c'est les films d'espion. Il y a Ocean's Eleven, Charlie c'est drôle de dame aussi, Natacha. Qu'est-ce qu'on avait encore, tous les films de James Bond bien sûr, les films il y a du fun là-dedans. Ouais, c'est du fun. On va faire péter des trucs, on va draguer des gens, on va voler des trucs de façon absurde. Aller dans des soirées bien habillées. On va visiter des lieux clichés au possible, ça c'est essentiel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on aura déterminé ces... Donc une fois qu'on a déterminé tout ça, on se retrouve avec un plan de mission qui va être un ensemble de problèmes à résoudre à un instant donné. On va avoir dit, par exemple, il faut résoudre tel problème à tel temps, tel problème à tel temps, et c'est telle personne qui va s'en charger. D'accord. Quand je dis telle personne va s'en charger, en gros, c'est que telle agence est préparée à résoudre tel problème. Et une fois qu'on commence la mission, bah, c'est à tour de rôle, les agents vont jouer, essayer de résoudre leurs problèmes. Il y a un joueur, donc ça sera moi à l'occurrence, je pense, pour cette première pour cette partie-là, qui sera le joueur coordinateur, qui joue un agent qui est en backup, qui est à l'arrière, qui observe la scène avec sa caméra. Yes. Et qui, du coup, va servir à coordonner les agents. Et donc, au bout d'un moment, vont surgir des problèmes parce que ben il y a un truc qu'on n'avait pas prévu ou un raté qui se passe, etc. Donc ça peut intervenir soit par un résultat malchance 2D, soit par le joueur coordinateur qui lui a un stock de points de points problèmes. Comment ça s'appelle les points de problèmes déjà? Les points d'embûche. Il y avait pas un nom plus fun quand j'avais joué la première fois. Attends, comment tu voulais appeler ça à l'époque? Je me rappelle plus. Non, c'est pas moi qui avais dit. Si, c'est les points d'embûche, non? Non, c'est toi qui avais trouvé un truc, c'était pas les points de... Il y avait un autre nom. Bon, bref. Ah, mais ça m'en reviendra. Aléa, reviendra. Ou non, c'était pas ça. Non, c'était un nom beaucoup moins clair. C'était un jeu de mots lié à cause de la boîte dans laquelle on les mettait, je crois, mais je m'en rappelle plus. Je sais plus. Enfin bon, peu importe. Et donc... Les points de oh shit. C'est un peu ça. Ouais, c'était ça, vraiment. Les points de bullshit. Et donc, du coup, le coordinateur va être obligé de les jouer. Il y a un mécanisme qui l'oblige à les jouer. Et du coup, ça a augmenté la difficulté de certains problèmes. Ouais. Et puis, ben, dès qu'on se prend un problème, on va se retrouver à un dilemme. Alors ouais, ça c'est un point qu'il faut que je présente, c'est que un des thèmes centraux, c'est qu'un agent secret, quand ça tente quelque chose, ça réussit. Point. Il y a pas d'échec. Les seules conséquences, ça va être est-ce qu'il réussit maintenant comme c'était prévu, ouais, ou est-ce qu'il réussit un peu plus tard, voilà, en ayant pris un peu de risque, tout ça, ça va retarder le plan, ou est-ce qu'alors il réussit mais il s'en prend des dégâts dans la gueule, une blessure, ou juste il se fait repérer par les agents de sécurité, etc. Ouais. C'est du raid quoi. C'est même la nana quand elle s'est ramassée plein de balles dans le corps et tout, elle arrive quand même encore à marcher, voilà, et à s'en ça. Tirer. Quoi. C'est un peu ça. Et du coup, ben, à partir du moment où il y a eu une première blessure ou alors un premier retard, ben, ça va perturber le plan parce que les problèmes suivants vont être plus durs à résoudre. Ouais, parce que, ben, plus tôt. C'est pas la bonne personne qui va résoudre, c'est pas au bon instant, on est en retard, ou alors je suis blessé, j'ai plus de difficultés. Et du coup, de fil en aiguille, normalement, la machine s'emballe. Et à la fin, c'est un peu, on peut réussir facilement. Et puis il y a des fois où juste le jeu ne veut pas. Et c'est voulu, hein. C'est pas un jeu où l'objectif est de gagner. L'objectif, c'est juste d'avoir une mission qui soit fun, qui se passe bien, okay, pour le spectateur. Eh ben, écoute, le spectateur étant le joueur, bien sûr. C'est ça. C'est un chat dans la gorge, c'est horrible. Est-ce que tu as d'autres choses à nous présenter? Est-ce que tu as un univers? Parce que souvent, alors, oui, on dit, oui, bah, effectivement, système, univers. Il y a un petit univers. En gros, c'est une agence d'espions européenne. Donc, tous les agents sont européens, de nationalité européenne. Et donc, j'ai essayé de mettre en avant un côté un peu bureaucratique. Donc, par exemple, la feuille de personnage, c'est la page 1 sur 19. Donc, il sous-entend qu'il y a 18 autres pages de documents à remplir suite à une mission, etc. Donc, c'est un peu ce genre d'ambiance, ouais. Un peu, l'agence, ça... mais c'est pas un nom de film, ça, l'agence, ou un... Si, avec Matt Damon. Peut-être. D'accord. C'est pour ça, que le nom est un peu en suspens, okay, parce que voilà, j'ai pas envie de conflit quelconque. Tu voulais une espèce d'administration un peu à la Brésil. Alors peut-être pas à la Brésil, non, c'est juste l'administration européenne. Hein, c'est, tu sais, c'est un peu la grande machine paperasse. Okay. Bon. D'accord. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Ok, bah écoute, nous allons jouer, je ouais, pense. Ouais, hein, bah, d'abord les règles, puis jouer, puis ensuite le petit retour. D'accord, c'est parti. C'est parti. On y va. Ok, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, bon, ben, donc là déjà, il y a un gros problème. Hein. Voilà, il y a un gros blanc, un là, ouais. Un énorme problème parce que il s'est passé quelque chose d'impossible dans cette partie. On a quasiment eu un écran bleu puisque Flavie a réussi à botter le cul de Chuck Norris, ce qui est strictement impossible. Voilà, donc la critique, la critique de ce jeu s'achève. Ça va se résumer à ça, merci, c'était vraiment... Voilà, je crois que c'est... Ça, bah, c'est constructif. C'est un jeu qui est strictement injouable. Ça veut dire, c'est injouable, c'est juste du talent, en fait. Ça veut juste dire que je suis plus forte qu'un Cobra Royal, si mes souvenirs sont bons, de The Expendables 2. Et que moi, je ne suis pas morte d'une lente agonie, mais il oui. Faut voir que Chuck Norris a de l'humour maintenant. Il accepte de tourner dans des films où il meurt. Enfin, voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Hein. Rattrapez-vous vos branches tant que vous pouvez. Vous avez tué Chuck Norris, qui est vraiment impossible. Tu lui as même arraché des poils de son torse. Des poils du torse que j'ai fait voler au vent. C'est juste incroyable. Et je l'ai tué avec mes deux doigts, mon index et mon majeur de la main droite. Qui ont serré très fort sa trachée et ont détruit sa trachée à terre. C'est impossible, ça, c'est impossible. Si, j'ai beaucoup déjà de force. Dans son combat contre Bruce Lee, il avait déjà fallu des milliers de millions de sommes de dollars pour faire les effets spéciaux, puisque Donc non, ça c'est impossible. Vraiment le coup de Chuck Norris. Donc bon, passons. Ils ont économisé sur le décor, sur certains points. Imaginons que ça n'ait pas eu lieu, d'accord, Adrien? Si tu veux. On commence le podcast. Imaginons qu'il s'appelle pas. On commence ce podcast. Il s'appelle pas comme ça, mais qu'il s'appelle. Voilà. Chuck Norris. Chuck Norris. C'est bien, c'est un homonyme. Chuck Norris, ouais. Vu ce qui s'est passé, je pense qu'il va se lancer dans la production de Panmi maintenant. Hein. Bon, allez, je t'épargne ça. Alors, bon, on peut peut-être faire un rapide tour de table. Pour, ouais, je vous propose de commencer, vous. Des impressions? Oui. Parce que moi, j'ai l'habitude du jeu, donc je vais peut-être vous laisser en parler en premier. Comme on dit, honneur aux dames. Flavie, Natacha, à vous la parole. Natacha, puisque toi au moins t'as pas tué Chuck Norris, t'as été gentille. Donne la parole. Mon personnage n'était pas proprement parlé un tueur, donc j'ai été obligée de tuer pendant la partie, malheureusement. Mais voilà. Du coup, je jouais un agent d'infiltration, donc agent d'opération secrète, AOS, dans la dénomination du jeu. Donc complètement en décalage avec les deux autres personnes de la, enfin les trois autres personnages de la table. Absolument. Alors oui, nous on avait tous choisi de jouer des gros bourrins, des agents de terrain et intervention. Ouais. Le moment où on crée les personnages, les joueurs ne se concertent pas. Chacun fait le personnage qu'il a envie de jouer. Et du coup il s'avérait qu'on était trois à vouloir jouer des agents de terrain et intervention, donc des bourrins. Hein. Voilà. Clairement c'est je maîtrise des armes, je sais piloter n'importe quel véhicule et je suis une machine à tuer. Voilà. Et Natacha était la seule à dire ben moi je vais faire un agent d'infiltration donc c'est je suis agile, discret et puis je suis un pro de l'assassinat spécifique quoi. Gymnastique et infiltration pour Natacha. Et donc forcément ça donnait un thème à la mission assez fort on va dire. C'est clair, c'était testostérone. C'était la testostérone. Voilà, il y avait juste mes petites scènes un peu calmes. moi je vais faire ma gymnastique toute seule dans les lasers, amusez-vous bien. Alors, on peut peut-être présenter juste rapidement les trois étapes du jeu. Ouais, du je déroulement pense, parce du que jeu. C'est vrai que j'ai peut-être pas parlé de ça avant dans de parler du contenu de la fiction elle-même, et puis on reprendra sur ton intervention. Parce que c'est vrai que je pensais à ça, et si on présente pas ça, ça va être un peu confus. Ça va être flou pour les éditeurs. Alors, première étape, celle qu'on appelle le prologue. Ouais, le prologue. C'est l'introduction avant le générique. C'est ça. En fait, à tour de rôle. C'est inspiré globalement par exemple de James Bond, où il y a toujours la première scène avant le générique où il se passe un truc. Il se passe un truc de ouf. On est plongé direct dans l'action, c'est pas ce qui se passe. Parfois, il y a même pas James Bond ou pas de suite. En général, il y est de suite. Mais bon, voilà. Là, cette scène, il y a pas forcément les agents. Il se passe quelque chose et c'est ce qui va provoquer le déclic qui va lancer l'agence sur le terrain. Généralement, ça commence par une succession de scènes. Ouais, qui on sont choisit d'abord un lieu très connu, très connu, et puis ensuite des à tour de rôle. Ouais. On ajoute des éléments. Tiens, par exemple, toi, t'avais choisi New York. Moi, je dis bah tiens, il y a deux racailloux sur un banc. Natacha ajoute, il y a un Père Noël. Qu'est-ce qui est sorti? Non, c'est moi. Il y a un Père Noël qui sort d'un centre commercial, qui les rejoint. Ils vont discuter dans une ruelle. Ils se font signe, ils vont discuter dans une ruelle. Mais dans la ruelle, ils sont surpris par un policier. Alors ils essayent de sortir les armes, ils se font abattre. Et là, il y a un mec en impair qui fume une clope. La caméra zoome sur ses yeux et bam, générique quoi. En gros, c'est ça qu'on a raconté à peu près. Ouais. Alors il y avait un petit détail en plus, c'est qu'on savait que les deux malfrats, ils échangeaient un micro-disque et qu'ils se faisaient récupérer par ces faux flics. Voilà. Et voilà. Donc en gros, c'était le pitch d'intro qui allait ensuite donner le thème de la mission. Donc ça, c'est la première étape, le prologue. Puis ensuite vient le générique, pendant lequel tu nous mets la musique de Mission Impossible ou une musique d'action. Ouais, une musique de film d'espion. Voilà. Là, je suis tombé sur ça. Ça, c'est bien, ça met vraiment dans l'ambiance. Ouais, ça met vraiment dans l'ambiance, carrément. Et c'est là qu'on a créé nos fameux personnages, comme tu le décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire chacun sans discuter. Alors, on va justement, puisqu'on est dans cette scène, présenter les persos. Natacha, donc, en partie présenté. Agent d'opération secrète, je faisais donc je testais un futur éventuel personnage prétiré qu'il faudra que j'améliore, je pense, un peu. Et donc, du coup, une Allemande qui bosse comme couverture, comme historienne de l'art au musée du Louvre. D'accord. Et aussi également formée à la gymnastique et à la haute voltige, donc pour l'aspect tout ce qui est agilité, infiltration, etc. D'accord. Voilà. Donc, le personnage de Natacha, comment il s'appelait, juste pour Antea Zimmermann. Antea Zimmermann. Flavie, qu'est-ce ensuite, que tu nous avais fait comme beau personnage? Ensuite, j'ai fait un personnage tout en finesse. Pour attirer le public mâle masculin dans les salles. Voilà. Donc, c'est une grosse bonasse, quoi, avec un tatouage celtique dans le bas du dos. Et en gros, la scène commence où elle est au lit avec deux mecs. Et... puis c'est un peu n'importe quoi. J'avais la boîte à caca qui était largement ouverte. Dans oui, la... oui, bon, voilà. Avec cette phrase qui resterait mythique, il y a de l'eau dans le lavabo, dit-elle à ces deux hommes. Alors qu'elle part. Elle part dans son appartement, elle leur dit « Allez les gars, amusez-vous bien, il y a de l'eau dans le lavabo. » Donc là, je crois que déjà, la partie commençait bien. Hein. On était déjà tous morts de rire déjà. Le lavabo, grande scène de roleplay. Il est beau le lavabo, il est beau le bidet. C'est pas qu'elle soit très, très intelligente. Non. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, on peut créer un peu ce qu'on veut dans les diplômes et tout. Donc, je me suis pas gênée. Bon. Oui, bien sûr, tu as bien fait. J'ai créé un doctorat en création et utilisation d'armes létales. J'étais donc doctorante en QAL. Tout à fait. Autrement, j'étais générale de l'armée sur terrain durant le projet Ghana. J'avais aucune idée de ce que c'était le projet Ghana, mais ça me permettait d'un truc assez flou pour pouvoir l'utiliser plus tard. Mmh. Et ensuite, commandant de la garde rapprochée du Premier ministre, aussi un truc assez flou pour pouvoir l'utiliser plus tard, quoi. Et le but, c'était qu'en gros, c'était une nana qui pouvait déranger l'ennemi et le comment dire l'amener sur autre chose avec ses seins pour ensuite le défoncer avec son talon haut. Voilà, exactement. Moi, j'avais fait vaguement inspiré d'ailleurs pour ceux qui ont joué à Tekken du personnage d'Anna. D'accord. Dans Tekken. D'où ton prénom, Anna. Exactement. Et Anna Smithson. Smithson. Pour Smith et Wesson. Une contraction totalement farfelue de Smith et Wesson. Voilà. Bon, moi, je jouais un personnage intelligent, hein, avec un doctorat en psychothérapie, parachutiste en Afghanistan, flingueur aux petits pieds, mais surtout à l'arme lourde. Et donc, à chaque fois, il faut allier ces différentes compétences avec un pays étranger, de manière à faire genre on est multinationalité. On a vu des pays. En gros, voilà, on peut répartir trois éléments, soit dans des diplômes, soit expérience professionnelle. Ouais. Ça change un petit mécanisme dans le jeu, c'est vraiment du détail. Et surtout, ça permet de voir si c'est un personnage qui vient de sortir de l'école ou qui a baroudé pas mal. Voilà. Ouais. Et ces éléments, pourquoi ils sont liés à des pays différents, c'est en gros, ça permet de les utiliser dans plein de contextes. Par exemple, si t'as fait, si t'as été militaire en Afghanistan, tu peux l'utiliser lors d'une mission Afghanistan pour n'importe quoi, juste parce que tu connais l'Afghanistan. Ouais, et aussi parce que t'as été pilote d'hélicoptère, par exemple. D'accord, ok. Donc, alors, ça permet une diversité. Ça permet une diversité de langues connues aussi, je pense. Ouais. Donc, clairement, tous les personnages avaient été créés dans le canon d'un film genre Expandable et tout ça. Ouais. Et toi, tu as créé un personnage aussi. Ouais, j'ai créé un personnage aussi. C'était juste. Alors que toi, t'avais un rôle un peu particulier dans cette partie. J'avais un rôle particulier, donc je jouais le coordinateur. Donc, en gros, c'est l'agent qui est en backup, il est à distance du lieu d'opération, il observe les lieux et il essaye de coordonner les agents pour voir ce qui se passe. Donc c'est aussi lui qui s'occupe de gérer l'adversité, on va dire. Oui, tout à fait. Et donc je me suis quand même créé un personnage, ne serait-ce que ça permet de donner un roleplay intéressant pendant les scènes, justement. De donner une voix, en fait, tout simplement, au coordinateur. Voix, c'est important. Donc voilà, c'était une voix qui m'a bien fait rire, moi, les inconnus. Ouais, c'est ça. Le lieutenant seconde classe. Moi j'ai fait mes études, j'ai un BTS électrotechnique, mais bon, après j'ai été à l'Afghanistan et depuis voilà. A fortiori commandant de police aussi. C'est ça, voilà. Mais voilà, l'idée en fait, c'est que le coordinateur a un rôle intéressant, c'est un animateur. C'est ça, c'est un animateur. Donc c'est lui qui va un petit peu expliquer aussi. Je pense que c'est bien pour une première partie de l'agence que le coordinateur soit celui qui a lu le jeu, qui connaisse le jeu. En général, c'est ce qui se passe, c'est ce que je fais. Mais c'est pas indispensable. Honnêtement, j'ai joué des parties où un débutant prenait le rôle de coordinateur. L'animateur, enfin, moi, je jouais un agent, j'animais aussi. Et du coup, j'ai expliqué les règles et puis. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de responsabilités en plus. Alors, quel est, pour les auditeurs, le rôle du coordinateur? Alors le coordinateur, tout tour de jeu commence par le coordinateur qui en gros va demander aux agents comment ça se passe. Ça va être une phase de roleplay où on fait le point sur la mission, où est-ce qu'on en est, etc. Mm-hmm. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut jouer des jetons en bûche pour faire intervenir des éléments imprévus. Mm. Donc par exemple, faire venir des renforts ennemis, Enfin voilà, quelques éléments il comme ça. Il a un rôle de il rajoute des grains de sel dans, ouais, dans la marmelade quoi. Donc il y en a quelques-uns qui sont pendant son tour et quelques-uns qui le rajoutent pendant le tour des, voilà, c'est des ça. Joueurs. Voilà. Donc le coordinateur clairement c'est celui qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui gère l'adversité. C'est ça. Et pendant son tour, c'est aussi là que les joueurs vont faire le point sur la situation, pouvoir discuter stratégie. Sachant que là on entre on est déjà dans une autre partie. Et, mais on en a sauté ouais, une en fait, donc il faut bien aller dans l'ordre. On reviendra sur le rôle du coordinateur ensuite. Alors là, donc première partie prologue, deuxième partie générique création de perso, troisième partie c'est la confection du plan. Planification. Alors dans cette, au préalable, chacun son tour, on a établi des problèmes. Donc, par exemple, ici, on s'était fixé un objectif qui était de récupérer le micro-disque. Et puis, chacun d'entre nous, tour de rôle, on a dit, bon, bah, je sais que pour récupérer le micro-disque, il faut aller dans une maison au Texas. Alors, chacun d'entre nous, ensuite, a rajouté des problèmes. Genre, bon, il y a une équipe de militaires qui surveille la maison. Il y a un hélicoptère, un ND qui fait des tours, qui patrouille. Voilà. Il est difficile d'y accéder discrètement parce que toute la zone est totalement dégagée. Il y a Dallas, qui est la ville juste où on doit arriver, juste à côté du manoir, enfin de la grande maison, qui possède ce qu'on a une milice républicaine, la CMRD, la centrale milice républicaine Dallas, je sais quoi. Donc le voilà. Centre de milice républicaine de Dallas. Excuse-moi, voilà. Donc, et on avait en tout comme ça 8 problèmes. Et puis vient une phase de planification. Donc c'est, enfin. En fait, tout ça se déroule dans la même phase. Hein. Durant cette phase de planification, on va dire, bah, voilà, on a nos 8 problèmes. Qui s'occupe. Et ensuite, on va créer un plan avec ça. On va créer un plan, c'est-à-dire qui fait quoi, à quel moment et dans quel ordre. Voilà. Parce qu'en gros, il y a des problèmes qui, bah, au début, on les pose un peu dans le vrac. Et après, il est évident que, par exemple, avant de récupérer le micro-disque, il faut d'abord rentrer dans le manoir. Voilà. D'abord, il va falloir désinguer la milice. Voilà. Il faudra aussi s'occuper des codes. Du coup, on va créer une structure de qu'est-ce qu'il faut faire dans quel ordre. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai une question parce que tu as dit pendant la création qu'il fallait pas une chaîne de plus de 5 actions qui se succèdent. Ça, c'était 5 parce qu'on avait une durée de mission de 5. D'accord. Voilà. Bah oui, parce que sinon, si tu dois faire ça avant ça, avant ça, avant ça, avant ça, et que tu as moins de 5 tours de jeu, bah, le dernier, tu pourras jamais le faire. Exactement. Puisque... Ouais. Donc voilà, donc ça dépend de combien... Ça dépend, voilà, exactement. Alors, donc, la durée de la mission. C'est une phase pendant laquelle on va déterminer ce qu'il faut faire avant d'atteindre un autre problème. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, ici, on avait déterminé que le IND, ce serait le premier problème. Ouais. Et que, non, la milice et le IND, parce que le IND était dans la milice, étaient les premiers problèmes. Puis ensuite, grâce au IND, on pouvait accéder au manoir qui nous permettait d'accéder à un second problème, etc., etc. Etc. Ouais. Et tout ça a été planifié également du point de vue des tours. C'est-à-dire qu'on avait dit le IND et la milice, c'est le premier tour. Il faut qu'on gère ça au premier tour. Deuxième tour, on devra être au manoir et s'occuper de pénétrer à l'intérieur. Troisième tour, on devra neutraliser la milice, s'occuper des caméras de sécurité, etc., etc. Et tout dernier est codé tour, comme ça en fonction de tour jusqu'à boss de fin et récupération. Alors, de la disquette au dernier tour. Ce mot de tour, en fait, c'est des unités de temps dans la fiction. Voilà. En gros, c'est un tour de table. C'est pas une heure, c'est pas 10 minutes, ça va dépendre de la mission. Mmh. Et du coup, c'est une unité de temps arbitraire qui est voilà. C'est dans un premier temps. C'est dans un premier temps on fait ça, dans un second temps on fait ça. Dans un quatrième temps. Et évidemment, on est plusieurs espions, on n'est pas tous obligés d'être au même endroit au même moment, et c'est pour ça qu'on peut faire plusieurs choses au même tour. Et donc, un tour de jeu, c'est tout simplement un tour de table. C'est ça. Une prise de parole d'Adrien, une prise de parole de Natacha, une prise de parole de Flavie, une prise de parole de mon personnage, etc. Un tour s'achève, tour d'Adrien à nouveau, donc on fait le point. Ouais. Parce que c'est le tour du coordinateur. Et le tour 2 commence. Natacha débute le tour 2. Flavie débute le tour 2. Je continue le tour 2. Fin de tour, Adrien recommence, etc. Et tout se déroule de cette façon. Et ce qui est bien, c'est que pendant qu'on résout ces objectifs, et là on rentre dans la quatrième phase, qui est la phase exécution, on exécute les objectifs. Chacun, notre tour, on s'attaque aux objectifs sur lesquels on a été déterminé. Par exemple, moi je devais m'occuper de prendre le IND. Je décris une scène, j'arrive sur la base, je regarde le IND, je m'approche du IND, j'ouvre la porte, je suis face à face au mécano qui me regarde, on se regarde, il me regarde, je le regarde. Voilà. Et là, hop, c'est une situation de cliffhanger. Cliffhanger, on lance les dés. Ça, c'est un truc qui est important, c'est que dans l'agence, toutes les scènes se conclut par un cliffhanger. Voilà. Enfin, tout lancer de dés se fait au moment d'un cliffhanger. Pendant le prologue, on s'arrête pendant un cliffhanger. C'est vraiment le côté tension dramatique du cinéma, voilà, son maximum. C'est ça. Et on lance le dé. C'est plus on lance de dés dans l'agence, plus on a de chances de rater, parce que alors pas de rater. Non, plus c'est dangereux. Plus c'est dangereux. Parce qu'on peut faire des 1. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que chaque 1. C'est des D6. C'est un D6, effectivement. Ouais. Et chaque 1 obtenu sur son résultat pose des problèmes. Danger. Pose un problème. Ouais. Un problème. Ça peut être un retard. C'est-à-dire que ce qu'on devait faire au tour 1 va se retrouver obligatoirement résolu, mais autour d'eux. Donc ça va retarder tout le monde. Et l'agent est bloqué. C'est-à-dire que l'agent, s'il devait faire quelque chose autour d'eux, bah, il peut pas, il est bloqué. Voilà. Ça va être tout simplement prendre des blessures, sachant qu'ensuite les blessures vont nous handicaper dans les jets de dés. On a utilisé blessures, mais c'est un abus, parce qu'en gros, là, c'est des, c'est à quel point l'agent est compromis ou pas. D'accord. Ça peut être une blessure, effectivement, mais ça peut être juste, il a été complètement rodé par les forces adverses. D'accord. Okay. En fait, j'ai fait cette nuance parce qu'il y avait des missions qui étaient pas violentes, et du coup, des blessures se justifiaient pas. Et donc du coup ça permet de faire les deux à la fois. Je remarque que quand le niveau 4 c'est capturé, donc on peut pas mourir en fait. Si tu prends deux blessures d'un coup et que t'es en péril, alors voilà, l'échelle c'est opérationnel, compromis, en péril, capturé. Voilà. Et après si on prend une blessure en plus on est mort. Voilà d'accord. Okay. D'accord. Donc juste pour la règle, quand on est capturé on rajoute un problème qui est libérer l'agent. Si c'est pas résolu à la fin de la mission il est mort. Ok d'accord, très bien, très bien. Donc ça c'est la quatrième phase où on va tour à tour raconter comment on résout avec ou sans danger, les différents objectifs qu'on s'est attribués pendant la phase de planification. Ouais. Et lorsque tous les objectifs sont résolus, après moult ennuis liés soit au retard, soit aux échecs des agents, la partie s'achève. Voilà un peu comment se déroule une partie de l'agence pour nos auditeurs. Alors, on va pouvoir passer aux phases Alors s'il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est qu'il est possible de finir une partie sans avoir tout résolu. Il y a des problèmes qu'on appelle secondaires, c'est-à-dire des problèmes dont la résolution n'implique. Enfin, en gros, on peut ne pas les résoudre, ça n'empêche pas de résoudre l'objectif de la mission. Typiquement, si on ne s'occupe pas de tous les gardes sur la base, c'est pas gênant, on peut quand même remplir la mission. Par contre, les gardes sont toujours là. Tous ces objectifs secondaires, enfin tous ces problèmes secondaires, s'ils sont pas résolus à la fin de la mission, ils ont des conséquences sur nos personnages. Ouais. Typiquement, ils nous tirent dessus pendant notre fuite, etc. Donc, on a une scène où on décrit ces conséquences. D'accord. Donc ça peut arriver. Là, c'est pas arrivé. Voilà. Ok. Non, ça c'est bon à rajouter aussi. Alors, on va pouvoir passer en mode, donc c'est un playtest. Donc, évidemment, il y a des points qui sont plus ou moins discutables. On va pouvoir chacun notre tour dire ce qu'on a pensé de la partie, nos sentiments, les améliorations potentielles qu'on peut donner au jeu, sachant que l'ambiance du jeu, on l'a bien compris, c'est un pulp, du mission impossible, des scènes d'action, voilà. Hein, donc évidemment se lâcher. Voilà. Alors Natacha, on commence par toi. Enfin, si vous avez des idées avant. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu dans la partie? Et si oui, pourquoi? Comment est-ce que le système les soutenait? Ces choses qui t'ont plu, des scènes qui t'ont bien plu, et inversement, des scènes qui t'ont un peu plus emmerdé, peut-être. Je m'aperçois d'un problème dont on parlait parce que moi, en fait, c'est la première fois que je teste l'agence. D'accord. même si j'ai un peu suivi sa genèse et sa création. Et je m'aperçois d'un problème que tu avais souligné quand on en discutait, Adrien, c'est que pendant la phase de planification, c'est très difficile de cadrer le roleplay et de rester en roleplay tout du long. C'est mortel, c'est le premier problème. Je sais. Ça, c'est le premier problème. Je réalisais pas à quel point c'était problématique et je sais pas du tout comment le résoudre. Ça, c'est le problème. C'est vraiment un problème. J'ai pas de solution. Donc voilà, là, c'est. Alors. Je serais ouvert à toute discussion là-dessus. Alors, ouais. Alors, c'est clair. Le temps du plan, pas de roleplay. Moi, j'ai noté. Ouais. C'est dommage parce que le prologue commence. Alors, bon. Ce qu'il faut dire d'abord, parce que faut quand même remettre les choses dans leur contexte. D'abord, l'agence est un excellent jeu, Adrien. Ouais. Pour moi, il est publiable en l'état. Ouais. Hein, donc là, ce qu'on a... Il y a juste deux, trois choses à... Voilà. Okay. Vraiment, c'est un jeu fonctionnel, très intéressant. Les dynamiques sont super, on va pouvoir en parler. Il y a plein de choses hyper intelligentes, super fines. Il y a plein de trucs positifs dont on va parler. Je ne voudrais pas que tout de suite, on rentre dans la critique négative. On va aussi parler de choses positives. Ça fait super plaisir, merci. Le temps du plan est clairement le point faible du jeu. Ouais, d'autant que c'est dommage parce qu'il y a le générique et ensuite la création de perso qui nous mettent à fond dedans. Absolument. Et qu'ensuite, pam, on tombe sur la création du plan et que du coup, ça nous retire le truc. C'est clair. Ouais. C'est clair. Il y a un vrai temps mort. Ouais. Alors, première chose, moi, qui, je pense, hein, pose le temps mort. Bon, c'est cette absence de nécessité de roleplay. Alors que pourtant, elle est soutenue par le système. Ouais, parce que tu nous l'as bien précisé. Souvent, ouais. Dans le contrat social, et là, j'ai envie de pointer du doigt vers les deux coupables, Fly et Natacha, vous n'avez pas joué ces scènes roleplay. Moi, je m'inscris en faux sur le roleplay parce que j'ai soutenu mon roleplay même pendant la phase de planification. Alors ça, effectivement. Alors j'ai pas fait attention à tout le monde. Alors j'ai fait attention à ce que Romaric effectivement prenait sa voix. On avait peut-être des personnages qui s'y prêtaient moins, enfin plus effacés que le tien aussi. Ouais, je sais pas. Moi, en fait, j'avoue que comme il y avait pas mal de points déjà que j'avais du mal à comprendre. Ouais, dans j'avoue en fait que ce qui m'aurait vachement aidé. C'est d'avoir une petite tête de jeu. Un récapitulatif. Ouais. Alors ça, c'est indispensable. Qui m'aurait aidé à m'indiquer déjà ce que je pouvais faire sur chaque petite fiche, parce qu'en fait, sur chaque petite fiche, on a des choses qu'on peut faire. Mmh. Déjà, ça m'aurait aidé. Ouais. Et qu'ensuite, sur chaque petite fiche, il y ait, en fait, parce que du coup, c'est un peu le bordel. Une case avec le temps. Voilà, une case avec le temps, etc. Qu'on voit en fait ce qui nous reste à faire déjà sur les petites fiches, parce que je trouve ça bordélique en fait. Et du coup, on voit pas. Mais c'est un jeu en playtest, donc À chaque étape, le joueur doit avoir sur sa fiche un petit encadré de référence qui lui dit ce qu'il peut faire. Ouais. C'est tout con. Ça t'évite. Tu t'épuises. Tu te fatigues à chaque fois quand tu présentes ce jeu, alors que en tant que coordinateur, ton plaisir, c'est de jouer l'adversité. C'est pas de poser les cadres de la partie, tu vois ce que je veux dire? Enfin, au sens systémique. C'est de jouer le décor et l'adversité. En tant que coordinateur, c'est pas là où on prend le plus de plaisir. Hein, l'adversité, c'est fun, mais c'est presque dommage parce que parfois, tu veux que tout réussisse, donc t'es obligé de le faire. Ouais. Mais alors là, voilà, je le précise parce qu'on en a pas parlé avant. Il y a un petit mécanisme de règle qui motive le coordinateur à dépenser ses jetons pour foutre les embûches. C'est qu'en gros, à la fin de la partie, tous les points embûches qu'il a encore devant lui, c'est des blessures pour sa gueule. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, donc en gros, les embûches auront lieu. Alors, soit il les distribue et du coup, il y a une petite chance que ça fasse rien. Parce qu'effectivement, des jetons embûche, ça va être 2 dés en plus sur un lancer. Du coup, ça peut quand même réussir parfaitement. Oui. Et en revanche, s'il les garde, c'est une blessure assurée pour sa tête. D'accord. Alors, juste un point. Ouais, le coordinateur, j'ai plein de choses à dire son sujet. Je pense qu'on y reviendra. D'accord, on y reviendra, ok. Restons sur la phase du plan pour le moment. Voilà, déjà, j'ai une idée qui me vient là. Est-ce que, en rééquilibrant le nombre d'embûches et en augmentant le nombre d'embûches, parce que sinon il va y avoir un problème d'équilibrage, je pense, est-ce qu'on pourrait pas faire un système où les bons roleplays pendant la planification enlèvent des points embûches ensuite ? C'est une manière de voir, ouais. C'est une manière de voir, effectivement, mais. Ça peut être bien. Mais je pense que le problème là, c'était pas ça, c'est-à-dire que on aurait bien aimé garder le roleplay. Moi perso, en plus, je suis quelqu'un qui est très roleplay. Ouais. C'est-à-dire que si moi je suis sortie du roleplay, alors que je suis quelqu'un qui, même dans les jeux qui sont pas roleplay, continue à jouer roleplay. Si je suis sortie du roleplay, c'est parce que j'y comprenais rien. D'accord. Je savais pas où est-ce qu'il y avait des trucs. Les deux devenaient des un. Je comprenais pas les tours. Il nous faudrait aussi, parce ça c'est, je pense à ça, mais c'est selon le nombre de tours de jeu qui sont déterminés, tu fais une sorte de grille pour pouvoir positionner les papiers. Ouais. Pour montrer qu'il y a le nombre de tours de jeu sur lesquels on va pouvoir positionner les papiers. Alors le problème c'est que les petits papiers de problème. Il faut quand même pouvoir y écrire quelques mots, un chiffre, un nom, etc. Donc ça prend une certaine place. Et si on envisage une grosse partie où on est 5 joueurs, donc 4 agents, et on prend la grosse mission avec beaucoup de problèmes, ça, il faut vraiment une surface, enfin un papier très très grand. Ouais, et mais ça devient... même montrer, tu vois, sur ce que ça va donner au niveau des tours. Alors, moi, je n'avais pas compris ça du tout au début. Je ne comprenais pas ce que t'entendais par tour. Je ne comprenais pas pourquoi on mettait... Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi on mettait un sur certains papiers et l'autre un. Je ne comprenais pas pourquoi certains papiers avaient le même nombre de tours, par exemple. Je crois que ça ne vient pas de toi, Adrien. C'est-à-dire que ce n'est pas une question que tu n'as pas été assez clair ou pas clair. C'est que j'ai l'impression que c'est un jeu qui nécessite une certaine expérience de jeu, en fait. J'ai l'impression que c'est un jeu où tu vas vraiment prendre ton pied à la deuxième partie parce que cette phase de planification nécessite bien avoir compris ce qui va se passer ensuite. Ouais, et d'ailleurs, mais c'est comme ça aussi quand on prépare un plan. on imagine ce qui va se passer ensuite. Ouais. Le problème, c'est que là, on a aussi un système de jeu à imaginer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, si on ne sait pas, du point de vue du système, ce qui va se passer, c'est vachement difficile d'être, de prévoir une stratégie, de, voilà. Alors, les implications, par exemple. Sur la préparation de plan, Adrien, j'ai pas spécialement envie qu'il y ait de stratégie. Oui, en termes de résolution, d'optimisation, etc. Je parlais pas. C'est juste d'avoir un ouais. plan qui soit crédible, on va dire. Je parlais pas forcément de stratégie au sens ludique. D'accord. Je parlais de stratégie au sens narrative. D'accord. D'accord. Okay. Dire on va mettre le Indé avant Humphrey, c'est avoir une stratégie narrative de se dire Humphrey, le tueur, ça va être le boss de fin. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, ça, okay. une stratégie. C'est pas forcément, la stratégie dont je te parle, c'est pas forcément, ça va être plus facile quand on aura eu le Indé de vaincre Humphrey. D'ailleurs, ton jeu okay. désamorce systématiquement ce genre de stratégie au final. C'est un jeu narrativiste. Et donc, du coup, il n'y a pas de ludisme dedans. Il n'y a pas moyen oui, oui, bien sûr, de, ouais. d'optimiser son personnage ou je ne sais quoi, de se lever parce qu'on a inventé une stratégie superbe. Ce n'est pas possible. Non, c'est vraiment un jeu narratif. Et je te dis, ah. avec l'affiche qui indique ce qu'on peut faire à chaque, sur, ce qu'on peut faire ouais, sur chaque déjà, fiche, un gain, et que sur les ouais. petites fiches, il ouais. y a à chaque fois, pour chaque chose ouais. à ajouter, une place, donc, ce serait déjà tellement plus en simple. En gros, juste peut-être pour expliquer aux auditeurs, les problèmes sont notés sur des petites fiches, des petites feuilles de papier style post-it. Dessus, au final, sur chacune d'entre elles, il devrait y avoir le problème. Donc ça veut dire, par exemple, je sais pas, Mr. Humphrey, c'est un tueur. Ouais. Donc voilà, donc c'est un tueur, et ça va être un problème pour la mission. Ce problème-là, au final, aura un temps de résolution. Donc ici, c'était 3. Donc c'est au tour 3 qu'on a prévu de le résoudre. D'ailleurs, quand tu dis temps de résolution, moi, ça m'a, alors, c'est juste, ça m'a induit en erreur au début quand tu disais, mais un temps de résolution, parce que je comprenais pas ce que t'entendais par temps de résolution, d'accord. et je me disais, il entend par là qu'il faut que je mette combien de temps ça va durer, ou quand est-ce que ça va d'accord, arriver. Okay. Enfin, c'est juste un petit, mais parce qu'au début, ça m'a vraiment induit en erreur, et je pense que ça a été aussi mon côté flou artistique, j'étais là, bon, je vais non, attendre de voir ce qui va se passer. C'est possible que j'ai pas tout expliqué, effectivement, tout le temps, forcément, dans le bon ordre, donc il y a peut-être, bon, là, je non, sais pas c'est trop. C'est juste vraiment du détail, hein, mais ouais. je préfère te dire. Donc il y a un temps de résolution qui est le tour auquel on pense résoudre sur les fiches de problème. Ouais. problème. Il y a le nom de l'agent qui s'est attribué ou que l'on a attribué à ce problème. Donc par exemple ici c'était Mike. Donc c'était mon personnage. Donc en gros ça sous-entend que Mike a prévu à l'occasion, il a ses armes prêtes, etc. Voilà. Il va se blaster Humphrey. C'est lui qui va régler ce problème. Et donc ce problème a une lettre attribuée qui en gros c'est le problème de H. H. Et en gros. On peut pas aussi reformuler le problème? Alors oui, c'est ça. Et en plus, on peut reformuler le problème qui permet aux joueurs de mieux comprendre certains problèmes. Parce que, voilà, en général, quand on crache des problèmes, on a une idée en tête, on va dire, ouais, je sais pas, que je vais prendre un des exemples qu'il y avait là. Le premier problème que Natacha a créé, et qui n'était pas très clair au départ, attends, c'était celui sur... Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc, voilà, Natacha avait noté l'équipe... non, l'endroit est isolé. L'endroit est isolé. Un truc comme ça. Mais l'endroit est isolé en soi n'est pas un problème parce qu'au final, enfin, il y a rien qui nous empêche d'y aller. Donc on a proposé de le renommer. L'équipe sera facilement repérée. Voilà, c'est ça. Ouais. Et plus tard, Flavie a proposé de reformuler, c'est-à-dire de rajouter une petite phrase en dessous qui nous permet nous de mieux visualiser, de contextualiser un peu ce problème-là. Et donc elle a proposé par exemple approche en Indé, donc c'est-à-dire ça peut être un moyen de le résoudre que d'approcher en hélicoptère. On doit y aller en hélicoptère. Mais alors c'est pas en doigt, c'est une méthode possible. C'est une méthode possible. Après, on verra si ça se passe. C'est intéressant cette histoire de reformulation parce que par exemple, si tu mets comme obstacle endroit isolé, au moment de la reformulation, on pourra très bien l'interpréter oui, au sens de il n'y a pas internet, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas d'accès électrique, donc on ne peut pas utiliser un hacker. Oui, effectivement. On peut l'interpréter comme c'est un endroit isolé, donc il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas de ravitaillement, il n'y aura pas. Et la reformulation permet finalement d'augmenter, de diminuer, de moduler les objectifs ouais, et de les intégrer à la future narration. C'est ça. Et tu vois, c'est là la stratégie narrative qui arrive, tu vois comment on... ouais. C'est à réfléchir, ça. Il y a, à mon avis, la phase de plan, il y a des choses à améliorer. Mais il y a aussi très bonnes choses dans la phase de plan. Le fait de planifier la mission comme ça pour lancer ce qui va être... l'architecture narrative de la partie, c'est ultra ingénieux. Parce que mine de rien, après, eh ben, le plan, franchement, après, j'ai trouvé ça fluide. Oui, mais oui. Combien de jeux narrativistes doivent arrêter la narration en cours de partie, c'est-à-dire que les gens trouvent des idées. Voilà, on joue, puis d'un coup, pof, on s'arrête, on prend du recul sur la fiction. Après, donc on je suis jamais sorti de la fiction, je suis voilà. jamais sorti de la narration. Et c'est après que du coup, j'ai pu reprendre mon roleplay. Et ouais. puis, au niveau de la couleur. Qu'est-ce que c'est énorme, le coup de la planification pour des agents secrets, la mission impossible. C'est oui, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça et tout. C'est ça rentre à fond dans la couleur du jeu. Bah, c'est clairement ça qui nous a inspiré. Hein. Ça, je l'ai annoncé dès l'intro. C'était objectif, avoir une planification, avoir une exécution de la mission. Adrien. Et du coup, des possibilités de il y a eu des couilles dans le plan et voilà. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que je voulais. Mais ce qui est génial, c'est que non seulement du point de vue narratif, c'est intéressant qu'il y ait une histoire qui se raconte autour du plan. Mais en plus, c'est dans la fiction que l'on fait le plan qui va servir finalement de système narratif pour la suite de l'histoire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire ouais. Puis j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui souvent s'embête un peu au jeu narratif. J'ai toujours l'impression qu'en gros, les problèmes, c'est moi qui vais me les créer et les résoudre, que je vais m'ennuyer et tout. Et au final, là, moi, je ne me suis pas ennuyée. Quoi. Je me suis même plutôt marrée, en fait, pour être honnête. Génial. Il y avait une très bonne ambiance autour de la table. C'est un des points forts, je pense. Sauf pendant la création du plan. Moi, je me suis un petit peu ennuyée. Ouais, mais ça, c'est assez systématique. Hein. Ça fait partie des problèmes. Je te dis, c'est parce que c'est un peu flou. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Si tu avais juste ces petites bases-là, déjà, Déjà, mets ça sur les feuilles de personnages. Mets les possibilités à chaque étape de jeu. Dire, pendant la confection du plan, tu peux faire ça. Sur les feuilles de perso, ça m'embête beaucoup parce que les feuilles de perso... Non, une annexe, pardon, excuse-moi. Parce que les feuilles de perso, donc on n'en a pas parlé, mais pour moi, elles ont Elles sont super bien branlées. Ouais, je te laisse en parler. Comme non, non, vas-y, je t'en prie. Bah, non, parce qu'on n'entend que moi après. Alors. Ok, alors en gros, les feuilles de perso, ça a été justement un des trucs qui m'a beaucoup... ça m'a permis de retravailler le jeu. C'est-à-dire que j'ai fait les feuilles de perso et après, je me suis dit, bordel, je viens d'avoir plein d'idées juste en faisant ça. En gros, ces feuilles de perso, je voulais, donc, comme je l'ai dit en intro, que l'agent soit un truc bureaucratique. Et donc, la feuille de perso retranscrit tout à fait ça. C'est un papier administratif. Donc, ça veut dire un truc avec ton nom, ton adresse, ta date de naissance. Il y a même le numéro de téléphone et le mail, alors qu'on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, à terme, théoriquement, ça sera rayé, noirci, avec un confidentiel par-dessus. D'accord. Et ensuite, il y a quel type de contrat on a signé avec les congés payés restants, les avoirs formation, l'état de l'agent qui est observé par l'agence. Donc du coup, quand par exemple vous êtes blessé, c'est pas vous qui êtes blessé, c'est l'agence qui reconnaît que l'agent est en péril ou autre chose comme ça. Mmh. Ensuite, il y a le CV sur lequel on vous a engagé, donc diplôme, expérience professionnelle. Ensuite, il y a l'historique psychologique et judiciaire. Donc ça, c'est seulement pour les agents qui sont en CDI, donc pour une campagne. Ouais. Et à la fin, renseignements pour protection des proches, où en gros, vous allez mettre le nom des proches de votre agent qu'il faut protéger. Mais en termes de jeu, en fait, c'est juste les gens qui vont se faire taper dessus pour des dégâts collatéraux. Des contacts éventuels aussi qui peuvent être utilisés pour créer de la couleur en termes de narration. C'est ça aussi. J'appelle mon contact à Washington. C'est pas des contacts, c'est vraiment de la famille. C'est vraiment de la famille, des proches, des gens qui tu tiens. Ah, d'accord. Et par exemple, une mission qui rate. Hein, ouais. Tu peux considérer que c'est pas ton agent qui prend, mais que les ennemis découvrent qui est ta famille, prennent ta sœur en otage. Okay. Et ça peut devenir des thèmes pour des scénarios suivants. Okay. Ou des trucs je comprends comme ça. Mieux l'intérêt du truc. Ok, j'avais pas compris. Parce que tu sais, sur beaucoup de fiches comme ça, dans les cyberpunk et tout, t'as souvent une fiche de contact qui te permet de créer de la couleur, d'improviser. Tiens, j'appelle mon contact. Là, non, c'est vraiment du charclage. C'est des boucliers, quoi. En fait, c'est des points de vie. Ouais. C'est des points de vie différents. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est en bas à droite, il y a écrit page 1 sur 19. C'est de la paperasse administrative. Mais les joueurs n'auront jamais une vision sur les 18 autres pages, c'est réservé à l'administration. C'est vraiment super, super fun. Donc ça, c'est vrai que la fiche de perso, elle aussi, est directement dans l'ambiance. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la confection du plan, tant qu'on est à l'étape confection ? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bah, pour moi, hein, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que l'idée d'introduire... Ouais, c'est fonctionnel. Le seul truc qui manque, c'est maintenir le roleplay. En fait, c'est toujours un peu trop compliqué. Il y a toujours ce problème-là. Il faudrait qu'en roleplay, on puisse dire on devra d'abord faire le indé avant de s'attaquer à la base. C'est ce qu'on est censé faire. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'en tant que joueur, tu regardes tous les problèmes, tu fais « Ok, bon, il manque quoi ?» Et puis, ça, le temps de réfléchir à ça, ça t'a sorti de ton. Et n'oublie pas aussi qu'il y a une idée de stratégie narrative derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on est aussi en train, tous autour de la table, c'est le moment le plus fatigant mentalement parce qu'on est tous en train, autour de la table, d'imaginer les différentes fictions possibles en fonction des objectifs. Adrien. Idéalement, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait. Il faudrait avoir un grand tableau noir ou blanc et il faudrait pouvoir faire des traits dessus. En fait, c'était une idée que j'avais à la base, hein, d'avoir les trucs à coller ou scotcher ou accrocher avec une épingle sur du liège. Mais c'est du matériel qui n'est pas facile à avoir. Enfin, c'est. Je veux pas exiger de ça pour n'importe quelle table. Quand tu veux le présenter. Alors c'est pour complexe. Moi en convention, oui, c'est faisable parce que je peux me dire, j'achète ça et je le fais. Mais après, un groupe de joueurs qui a envie de jouer dans son coin, ça commence à dire galère à faire. Du coup, je préférais tourner autour de petits papiers sur la table. Ouais, ça s'explique bien. D'autres choses à rajouter là-dessus? Pas pour la confection. Ouais, vraiment, ce que je trouve ingénieux, c'est le fait de mettre le système dans la fiction. C'est-à-dire que on fait dans la fiction. Ce qui va nous permettre d'établir ensuite la narration. Ouais, puis du coup, ensuite, ça rend le truc fluide. Quoi. Non, mais ça, c'est une idée de génie. Hein. Ça, c'est publié. C'est le, à mon avis, c'est la découverte que tu fais avec ce jeu. C'est-à-dire que c'est que pour le jeu narratif, alors, ce qui est plutôt intéressant. C'est une idée de Natacha et moi. Hein. Enfin, Natacha, Adrien, félicitations. À ma connaissance, il n'y a aucun jeu narrativiste qui a réussi à faire ce que tu fais ici. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il existe un jeu narrativiste dans lequel les joueurs ne doivent pas sortir de la fiction. C'est fou parce que moi, je n'avais absolument pas vu ça sous cet angle. Mais enfin, j'avais vraiment en tête. En fait, j'avais en tête. C'est une vraie ingéniosité. Ocean's Eleven et Charlie, c'est drôle de dame où il planifie tout à l'avance et ensuite il passe au plan. Bah oui, mais et habituellement, on le jouerait, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on le joue et en même temps, ça sert de support et de ce qui va, de système. C'est incroyable. Ce qui est génial, c'est que quand t'es confronté au problème, du coup, tu t'arrêtes pas au beau milieu du moment où tu racontes la fiction. Et je pense que, en fait, c'est là où est le problème dans le plan, c'est que tous les bugs qu'on peut avoir pendant la fiction, en fait, on les a tous ensemble au même moment dans le jeu, du coup. Je réfléchis par exemple dans Inflorenza, le jeu qu'on a testé dans un précédent playtest. On s'arrête, on raconte la fiction quand il y a les conflits. Mais dès que les conflits narratifs, dès que les nœuds narratifs sont résolus, on ressort et on dit « Bon alors, c'est quoi le prochain nœud narratif qu'on va faire ? Tiens, on verrait bien se friter Natacha et Adrien sur telle histoire. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où on prend du recul sur la fiction. Ouais. Alors que là, le moment où on va prendre ce recul, on est dedans, on est dans le jeu. On ne sort plus jusqu'à la fin. Voilà. Tu vois, même dans Prosopopée, par exemple, qui est un jeu pourtant dans lequel il n'y a pas d'interruption pour prendre ce qui est déjà... énorme, je veux dire, on ne prend pas de temps en sortant de la fiction. Il y a ce qu'on appelle le système du silence. C'est-à-dire que Frédéric dit, lorsqu'on réfléchit à la stratégie narrative, Frédéric dit, on fait du silence. Et le silence, dit-il, fait partie de l'ambiance de Prosopopée. Donc, lui aussi, quelque part, son silence, et ça, tu vois, se justifie bien. Mais à mon avis, ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas du silence. On parle, on fait la stratégie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. Il me semble que tu fais un pas de plus. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est que, quitte à ce qu'on soit un peu moins roleplay, il faudrait que l'enthousiasme des joueurs à faire ce plan. Ah, ça. Soit. C'est ce qui a manqué là autour de la table. C'est ce qui a un petit peu manqué. Je pense qu'on était un petit peu fatigué, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Moi, je me souviens qu'avec Christophe, quand on a joué à Octogone, on avait beaucoup plus d'enthousiasme. C'était on va faire ça, on va faire ci et tout. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je pense que c'est. Peut-être que les objectifs, on a eu du mal à créer des objectifs rigolos, j'ai trouvé. Alors, les problèmes, il n'y a jamais vraiment besoin qu'ils soient rigolos ou originaux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je trouvais que les problèmes étaient un peu complexes. C'est-à-dire des le premier problème de Natacha, par exemple, le fait que le lieu soit isolé, c'était pas tout de suite très clair. Ouais, alors ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on aurait pu. J'ai pas pensé au début. Je me demande si tu pourrais pas résumer les problèmes à un mot. Regarde, moi, par exemple, Indé, ça fonctionnait pas mal. Mais Humphrey. Tu perds plein de situations. Milice. Je suis pas tout à fait d'accord parce que, pour expliquer qu'il y a trois zones et que seule une de ces zones contient la disquette, comment tu veux dire ça en un mot, quoi. Je pense qu'il ne faut pas se fixer un seul mot, mais il faut se fixer un objectif clair. Mais en fait, alors je. Ouais, mais. Le mot du point de vue systématique, c'est clair. Natacha, ce que je voulais dire, c'est en fait là le problème, on a un problème de définition de ce que c'est qu'un objectif clair. C'est ça, ouais, finalement. Mais donc, du coup, je me disais que peut-être ce serait une manière de résoudre ce problème de plan. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est vachement bien. Enfin, soyons clairs, on est en train de peaufiner les détails d'un jeu qui est déjà qui est déjà très, très, très. Et qui, à mon avis, apporte un truc fondamental pour les jeux narrativistes. Alors que j'aime pas ça. Pour le citer, parce que je le connaissais pas du tout, mais il paraît qu'il existe un jeu qui fait quelque chose assez similaire, un jeu américain. C'est Mirrors quelque chose, mais je connais pas du tout. Broken Mirror, ou je sais plus exactement. D'accord. Mais je saurais plus citer. Il est cité quelque part dans Silent Drift, dans un des comptes rendus de partie. Alors, beaucoup de jeux narratifs essayent d'introduire ces systèmes dans leurs jeux. D'accord. Les premiers jeux comme Universalis et tout, je sais plus comment ça fonctionnait avec des points d'audimat. Enfin bref, le système était malgré tout incorporé, si tu veux, à la fiction. Mais pas si bien. Pas si bien. C'est ça le gros point avec l'agence. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être passer à l'étape suivante ? Oui, c'est-à-dire l'exécution. L'étape d'exécution du plan. Donc c'est là où on rentre dans le vif du sujet, c'est les espions qui arrivent sur place et qui vont voilà. Agir. Et là, chacun notre tour, on raconte comment on résout l'objectif. On peut peut-être commencer par toi, Natacha. Qu'est-ce que tu as pensé de cette phase ? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est la phase où il y a eu plus d'ambiance globalement, j'ai l'impression. Ce qui m'a surprise, c'est à quel point effectivement c'était free, mais aussi surtout rapide en fait. Ça s'est déroulé. C'était fluide. On a amené la narration, on a amené le cliffhanger, résolution et voilà quoi. Ouais, c'était très très fluide et ça pouvait être très très rapide. Et ça aide. Je pense que ça aide à l'ambiance. Je pense que ça aide à l'ambiance, mais. Flavie. Alors moi, ce que je trouve rigolo, mais en même temps, je vais rajouter un truc, c'est-à-dire que quand on va résoudre ce qu'on doit faire sur le petit papier, donc sa partie de mission sur son temps donné, on a à la base 3d6 à lancer, et quand on fait un 1, donc on a un problème. Ouais. On peut utiliser soit ce qu'on a marqué sur notre diplôme, soit sur ce qu'on a marqué sur notre expérience professionnelle pour enlever 2d. Alors on en prend un des trois, et un des trois, soit diplôme, soit expérience professionnelle, pour s'enlever 2D. À ce moment-là, on coche. Ensuite, selon ce que le coordinateur va me rajouter comme problème, on aura d'autres dés ensuite à arriver. Et puis ensuite, quand on a les dés... Sachant que je rappelle, chers auditeurs, qu'il faut lancer le moins de dés possible, puisque un 1 est forcément une complication. Et donc, ensuite, on lance les dés et ensuite, on continue la narration. On explique soit comment on réussit, soit comment on échoue. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Juste une chose, le diplôme, je trouvais... Parce que du coup, quand ça a été coché, on n'a plus le droit de l'utiliser, à moins qu'on arrive à le décocher. C'est ça. Et je trouve que le diplôme est plus facile à récupérer que l'expérience professionnelle. C'est pas vrai. Ouais. En fait, il s'agit de tenter une résolution, même pas de la réussir. Et à ce moment-là, tu décris comment les forces adverses te reconnaissent pour décocher une expérience professionnelle. Ah, parce que du coup, j'avais pas du tout compris. D'accord, ça. Ouais. Moi, j'avais compris qu'il fallait échouer, donc faire un 1. Échouer, c'est pour... Alors, quand tu fais un 1, tu peux regagner un diplôme. D'accord. Quand tu fais... Alors, je sais plus si c'est une réussite ou une tentative quelconque, et que tu t'exposes volontairement aux forces adverses. Donc, typiquement, c'est je suis un expert en explosifs, voilà, c'est mon expérience professionnelle. Je fais péter le barrage là-bas, voilà. Et ils reconnaissent clairement ma marque, ils me connaissent, voilà. Donc du coup, ça va faire venir des renforts. Donc je peux décocher mon expérience professionnelle. Parce d'accord. Qu'ils m'ont reconnu. Et donc tu te poses un problème en revanche, pour après. En revanche, voilà, c'est un problème pour plus tard. Ça donne un point en bûche en plus au coordinateur. D'accord. Alors ça, c'est oui. Je trouve que ce serait pratique de mettre en petit à côté de diplôme ou expérience professionnelle. Que ça rappelle sur la feuille. Comment on fait pour les revoir, parce qu'en plus ça amène du jeu. Ouais, tu vois, et du coup comme moi j'avais pas retenu. Ouais. Je pense que c'est des trucs que j'aurais carrément pu réutiliser pour amener plus de jeu et parce que du coup c'est fun quoi. Et, d'accord. Je pense voilà juste. C'est oui, j'avoue les feuilles de perso sont encore assez sobres. Ouais, pour l'instant. Mais peut-être faire au recto de la feuille, au verso de la feuille. Peu importe. Ouais. Une partie envers du décor avec l'équivalent de chaque catégorie pour le joueur, en fait. Alors peut-être. Je pense que je ferais ça plutôt sur une autre feuille, parce que j'aime pas avoir à retourner sans arrêt. Oui, bon, d'accord, mais une partie envers du décor. Un résumé des règles utiles au joueur, phase par phase. Parce que du coup, ce serait hyper pratique et parce que ça crée vraiment du jeu. Ouais. Pour le reste, je me suis vraiment amusée. Enfin. Moi, j'ai adoré défoncer la gueule à Chuck Norris, je suis désolée. c'est vraiment un scandale. Je vais en reparler, mais... Non, puis en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment aller... Moi, j'y suis allée à donf dans le n'importe quoi. Je pense que j'étais même pas une série B digne d'RTL9, quoi. Ouais. Et cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait dans la série Z. Ouais. Enfin. Et, mais c'était drôle. Et en même temps, Mais en même temps, ça marche, quoi. Enfin, l'important, là, c'était juste qu'on réussisse. Je pense que il doit y avoir plein de parties possibles, genre des parties très sérieuses, des parties vraiment drôles. Puis, en fait, ça dépend tellement des agents qui sont choisis. Là, on avait tous des agents bourrins. Une partie où il y a... Une exception. Où y a... Oui, oui, c'est bon. Tu étais quand même possiblement bourrine. Dès que tu as des agents qui sont moins bourrins, les missions sont plus nuancées. Enfin, c'est moins de l'action... Là, c'était vraiment expandable. Ah ouais, c'est pas forcément. Là, c'était vraiment expandable. C'est pas forcément ça. Pas bon. Mais moi, c'est comme ça que je la voyais. Voilà. Enfin, après, non, mais enfin, tu vois, parce que moi, j'ai failli prendre ce perso en me disant, je vais arriver par derrière avec mon couteau et je vais tous les défoncer. Enfin. Oui, oui, bien sûr. Donc ça dépend vraiment de comment on a envie de jouer son agent, quoi. Je pense. Comme ATI, vous dites que c'est que du bourrin. J'aurais carrément pu choisir d'être quelqu'un d'intelligent. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Et de jouer le truc différemment. L'ATI, ça peut être très bien. Un Solid Snake dans Metal Gear. Ouais, bien sûr. Mec qui a vécu une histoire de ouf, qui a un lourd passé. Mais il n'empêche que ce qu'il a de principal, c'est qu'il maîtrise les armes lourdes, qu'il sait piloter n'importe quel véhicule. Là, je pense que dès le départ, on était parti dans un canon expandable, humoristique, autodérision. Ouais. Clairement. En fait. Et ça, voilà, à partir du moment où on était d'accord sur le canon. Alors après, c'est peut-être un point. C'est vrai que vu que les joueurs font ça chacun dans leur coin, il peut y avoir parfois des conflits d'intérêts. Mais en général, une fois que tous les agents sont là, la façon dont tu vas présenter le jeu à la base va énormément influencer, y compris sur les personnages qui vont être choisis. Toi, Adrien, quand tu vas présenter le jeu, fais très attention à ça. Effectivement, ouais. Donc, mais je pense aussi que ça peut être sympa plus tard. Enfin, tu vois, quand ils ont fait pas mal de parties, certains joueurs de se décider, ce soir, on fait plutôt de la série Z. Ce soir, on fait un truc hyper sérieux. Enfin. Alors, j'ai pas parlé du système de campagne, je vais juste l'aborder très vite fait. Ouais. En gros, un des problèmes que je me suis rendu compte, c'est que ce genre de jeu, c'est très difficile à jouer en campagne parce que c'est plutôt des parties d'une soirée fun, etc. Donc, le mécanisme, ça va être tout perso qui a été joué. On garde sa feuille de perso dans un coin, on a une pile de feuilles de perso qui ont été faites. Et le scénar suivant dit, on fait une partie et on peut reprendre les feuilles de perso de la fois d'avant qui étaient même jouées par quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc du coup, le perso revient, c'est pas le même acteur, mais son histoire est là, on va s'inventer d'autres trucs et il va continuer à vivre ses missions, pouvoir gagner de l'XP même si c'est pas le nôtre, on s'en fout et il reste. Ok. Donc ça c'est le système de campagne. Ouais. Est-ce que tu avais des choses à ajouter sur cette quatrième partie, Flavie, c'est-à-dire la partie où on raconte l'histoire? Non, j'ai trouvé que ça marchait très très bien et que c'était vraiment chouette. Très bien. My turn. Moi, de mon côté, cette partie, il y a un gros plus, c'est cette histoire de silence. Donc, ça fonctionne très bien. Chacun à tour de rôle décrit son action. J'arrive près de l'hélico. Tac! Cliffhanger, il y a comme une espèce de pause, comme dans un jeu vidéo, il y aurait un début de Quick Time Event, et là, tac, on lance les dés, machin, ça, là-dessus, rien à dire. Il y a un plus, c'est cette histoire de silence. Pendant que chaque joueur effectue son action, les autres agents sont tenus de se taire. C'est-à-dire que si la personne est en train d'écrire un truc qui fout la merde et qui donne de l'occasion au coordinateur de foutre des embûches, les autres ne peuvent pas l'empêcher de le faire. C'est ça. C'est-à-dire que donc il y a tout le monde retient son souffle. En gros, je vais justifier ça. Tout ça est voulu pour éviter l'optimisation ludique. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une situation où il serait logique que le personnage résolve ce problème parce que sinon on aura tel problème plus tard. J'ai envie qu'un joueur qui se plante ou un joueur qui a envie juste de faire sa merde de son côté puisse le faire sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Ouais. Et qu'après, autour du coordinateur, tout d'un coup, les gens font « Mais putain, qu'est-ce que t'as fait, bordel ?» Alors voilà, c'est ça. C'est ça a deux intérêts, en fait. Premier intérêt, la tension dramatique. Ouais. Quand quelqu'un est seul dans sa merde, là, tout le monde regarde, tout le monde retient son souffle. Putain, va-t-il faire la merde? Va-t-il rater? Va-t-il échouer, etc.? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on arrive au coordinateur, oui, d'autant que je veux juste côté préciser débriefing, que s'il échoue, en plus, ça reporte. Absolument. Soit il va être blessé, soit ça peut reporter son objectif là au tour d'après. Et du coup, tout le monde est dans la merde. Le succès global de la mission dépend à chaque fois du tour de chaque joueur. Donc, s'il se foire, il fout tout le monde dans la merde. Ce qui fait que le fait que les joueurs puissent pas l'aider, en fait, ou en tout cas, pas, enfin. D'une certaine manière, si, ils peuvent l'aider, mais Par contre, tu laisses, et j'ai remarqué ça, Adrien, tu laisses le mécanisme d'approbation. Ouais, c'est-à-dire que le joueur a le droit de rigoler, de trouver que ce qui est décrit par le joueur actif est cool. Le joueur n'est pas non plus totalement passif. L'agent est passif, il n'a pas le droit de parler, mais son joueur a le droit de dire « Ah, oh, trop bien ce que tu racontes », etc. De façon à pas désamorcer non plus Alors, il faut rajouter juste un petit détail, c'est que si, en tant qu'agent, vous n'avez pas d'idée parce que vous êtes un peu perdu sur le coup, vous n'avez pas prévu qu'il y ait une erreur avant ou je sais pas quoi, vous pouvez demander à ce moment-là, enfin, vous pouvez demander de l'aide aux autres. On ne peut pas vous l'imposer. Personne ne peut parler tant que vous ne l'avez pas demandé, en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment vraiment un point fort du jeu, parce que deuxième intérêt, au moment où le tour du coordinateur arrive, là il y a une espèce de roleplay qui se passe entre chaque joueur. Alors t'en es où toi? Ouais, moi j'ai neutralisé le mec, mais ça commence à dober là, il y a des gars qui débarquent. Ouais, bah moi de mon côté j'ai réussi à faire ça, mais je me suis fait repérer, etc. Ça fout la merde, il va falloir que tu t'en occupes. Quoi, moi? Mais c'est toujours moi qui m'occupe du sale boulot. Et du coup le tour du coordinateur devient très intéressant, parce que c'est le moment où on peut parler et dire mais pourquoi t'as fait ça, tu vois, genre toi t'as décrit une scène où par exemple à un moment donné bêtement pour impressionner les mecs, j'avais attaché un gars à mon hélicoptère. Le cadavre d'un mec à mon hélicoptère. C'est ça. Et alors que c'était débile pour une tentative d'approche discrète. Donc il faut attendre le tour du coordinateur pour qu'il y ait un joueur qui dise "Eh mais t'arrêtes de faire ton gros bourrin là, cache ton corps, sinon ça va passer, tu vois." Ça c'est génial. Vraiment ces deux effets qui se coulent, premier effet de suspense, deuxième effet de relâche en fait, on lâche le barrage lorsqu'on arrive autour du coordinateur, ça c'est vachement intéressant. Vraiment, ça c'est un côté cool. Bon, moi un côté moins cool, c'est les dés. Je supporte pas ça, mais bon, c'est vraiment personnel. Voilà. Moi, il y a un moment donné, un jet de dés m'a vraiment coupé dans mon élan. J'estimais que j'avais fait une belle narration, j'étais content de moi, et un mauvais jet de dés était là. Bon, bah voilà quoi. Donc c'est la merde. Pour leur défense, il faut qu'il y ait des échecs. Il faut qu'il y ait des échecs. Sinon, la partie, elle est chiante. Puis de toute façon, ça permet d'éviter aussi que ce soit toi qui crée tes propres problèmes. Voilà, le principe de Cheguet, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les dés, s'il n'y avait pas l'adversité en fait, des dés, que tu ne savais pas que si tu allais réussir ou pas, la partie se contenterait de « j'arrive devant l'hélicoptère, il y a un mec, mais heureusement, je lui pète la gueule. Mais il y en a un deuxième, heureusement, je lui pète la gueule. » Et ça, ce genre de truc, ça n'a aucun intérêt, parce que tu n'as pas l'impression de surmonter quelque épreuve que ce soit. Donc du coup, tout t'emmerde. C'est le principe de Cheguet, en fait, que les dés permettent d'éviter. Évidemment qu'ils sont indispensables, Adrien. Mais tu ne pourras pas m'empêcher de tirer la gueule quand je fais un mauvais jet, ça, c'est pas possible. Très bien. Et voilà. Et je suis tellement mauvais joueur qu'après, j'ai beau faire des beaux jets, comme ça a été le cas en plus, n'empêche que je fais la gueule parce que j'ai raté mon premier. Donc, tu vois, je suis con. Hein. Oh, il est c'est bougon, il est bougon, le petit Romain. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre au dé. J'aime bien aussi. Perdu au jeu. J'aime bien. Moi aussi, je viens de perdre au jeu, tiens. Putain. J'aime bien aussi le fait que lorsqu'on est dans un tour rien à faire, on puisse soit aider un coéquipier, soit prévoir ce qu'on va faire après, soit expliquer comment on se tourne les pouces. Effectivement, parce que dans le plan, Adrien, une fois que tous les problèmes ont été attribués, etc., il y a pas mal de trous, c'est-à-dire des moments où chaque agent n'aura rien de prévu à faire. Et donc, il y a quelques actions prévues, planifier une opération future, c'est-à-dire je profite d'être sur le terrain pour observer, me renseigner, aller interroger quelqu'un, etc. Yes. Et ça me permet, lorsque je résous le problème suivant, de relancer les dés si ça me plaît pas. D'accord, ok. Et donc, du coup, un petit système de petits bonus. Rapidement, on peut parler du coordinateur? Ouais. Est-ce que tu te fais pas chier? Non. Honnêtement, non. Je me suis posé la question parfois, je me dis putain. Déjà, il est un peu en retrait. Alors, déjà, la phase de planification, je joue autant que vous. Ouais. Je planifie autant que vous. La phase de prologue, je joue autant que vous. Ouais. Et la phase d'exécution, au final, vu que les tours sont assez rapides, vu que tout est dynamique, que ça va très vite, moi, je me concentre sur écouter ce que chacun dit, essayer de voir à quel moment je peux faire intervenir mon petit malus qui va bien. Est-ce que je vais faire rajouter des problèmes? Quels sont les problèmes à lier entre eux, etc. Ensuite vient mon tour et du coup là, je vais faire mon rôle d'animateur, c'est aller interroger chacun des agents, dire ok comment ça se passe, etc. Et donc au final, je pense que j'ai à peu près autant de temps de parole que vous et l'histoire m'intéresse autant que vous, donc non, j'ai pas de. D'accord, ok. C'était parce que du coup, comme tout est déjà prévu avant, comme c'est rapide, du coup il a jamais vraiment de temps mort au final. Mmh. Ce serait plus lent, peut-être ce serait déjà plus embêtant. Puis en plus, même s'il n'a pas de personnage à jouer, c'est vrai qu'il a quand même les embûches à penser, donc il doit écouter, il doit être attentif. Même si j'ai pas un personnage sur le terrain, j'ai quand même un rôle, c'est-à-dire mon personnage a quand même des traits, une manière d'être, etc. Donc c'est un j'ai sa manière de parler. Bien, me voici rassuré. Natacha. Le retour des joueurs débutants qui avaient joué le. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. D'accord, donc ça aurait pu être une confirmation ou une affirmation d'ailleurs de ça. Parce qu'il y a des joueurs débutants qui ont joué à l'agence et ça s'est bien passé. Et qui ont joué coordinateur. D'accord. Alors, c'était ma question. Ça s'est passé, ça s'est bien passé. Enfin, disons qu'il n'y a pas eu de blocage complet. Ouais. Il n'y a pas eu d'écran bleu comme le moment où Chuck Norris est mort. Ouais. Non, je pense pas. C'était pas un écran bleu, c'était un écran rouge à cause du sang. C'est ça. Et roux à cause des poils. Et roux à cause des poils dans le vent. C'est marrant, quand je pense à des poils rouges, je pense à Ludovic Papaïs. Je suis sûr qu'il nous écoute et qu'il est mort de rire. Donc voilà. Ludovic, tu lui fais penser à Chuck. Voilà, t'es un petit peu mon Chuck Norris, Ludovic, je tiens à te le dire. Donc, le Chuck Norris du JDR. Eh ben, on a fait le tour de ce jeu qui est, ma foi, vraiment très, très intéressant. Il y a plein de choses à tirer de ce jeu. On voit que c'est un jeu d'une personne qui connaît les théories, qui a bien réfléchi son jeu, qui a bien médité, mais aussi qui prend du plaisir à faire ce qu'il aime. Ouais. Et ça c'est important. Un jeu fun. Un jeu fun, ouais, vraiment. Allez, merci Adrien pour ce superbe jeu, une mécanique super bien huilée. Eh ben de rien. Et comme il est dit dans Die Hard 3, puisqu'il est si bien huilé, tu sais où tu peux te le carrer. Bien, je sais pas quoi répondre là, honnêtement. Ce grand blanc. Tu peux lui dire qu'il y a de l'eau dans le lavabo. Oui, il y a de l'eau dans le lavabo, en fait. Si tu as soif, il y a de l'eau dans le lavabo. Et n'oublie pas de passer au CMRD. En tout cas, c'est un super jeu. Vraiment, okay. Super jeu. Bravo. Félicitations. Allez, on vous laisse. À bientôt. À la prochaine. Salut. On dit jeu de rôle. C'est jeu de rôle. C'est jeu de rôle. Non, c'est jeu de rôle. C'est jeu de rôle. Jeu de rôle. Jeu de rôle. Tu dis un vélo ? Tu dis un vélo ou un vélo ? Je dis un vélo. Bon, ben, jeu de rôle. Non, jeu de rôle. Il y a un accent sur le haut. Pour les Lyonnais, c'est... Et ne serait-ce que parce que c'est drôle comme jeu. Oh, putain. Bah non. Nous, dans Bretagne, on dit jeu de rôle. Jeu de rôle. Non, jeu de rôle. Putain. Lui, il dit jeu de rôle. Je suis très têtu à ce jeu-là. Ah bon ? Tiens, j'ai reperdu au jeu encore. Ah, j'ai perdu au jeu à nouveau. Ah ! Tu l'arrêtes ou pas encore, hein ? Jeu de rôle. Jeu de rôle. J'aurai le dernier mot, jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle. C'est jeu de rôle. Jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle, jeu de rôle. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.